طيب اذهب الان وارجع بعد الثلث الساعه ان شاء الله demain frère c'est vendredi essayez de bien apprendre le مضارع des verbes comme ça ça vous permettra de bien ça vous facilitera l'amr au suivant افتح المذيعه واسمع افتح المذيعه افتح المذيعه واسمع واسمع الاخبار نعم هكذا طيب تفضل المذيع سي لا راديو نعم c'est-à-dire mets la radio en route et écoute les informations au suivant là c'est de l'impératif waftahha khud hadi alhaqibata waftahha inchallah tu as compris là c'est quoi le ha et le ha ça veut dire quoi ça c'est le verbe fataha et le ha c'est quoi le ha alors cartable hein c'est comme si tu disais quoi خذ هذه الحقيبه وافتح الحقيبه voilà mais on utilise le damir pour raccourcir la phrase au suivant اذهب الى المدير واساله très bien اذهب الى المدير واساله خذ الكوب très bien الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوه très bien يا يحيى خذ الكتاب بقوه نعم وقال تعالى لادم عليه السلام وقال تعالى لادم عليه السلام يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه طيب كل مره كومبري ان شاء الله طيب اقرا ما يلي غنسات يا حامد اذهب طيب يا اخوان اذهبوا يا امينه اذهبي يا اخوات اذهبنا طيب ici vous avez donné quoi quatre personnes à qui on peut utiliser l'impératif mafhoum tu dis pas une personne qui n'est pas présente يا اميناتو et tu parles d'elle tu dis يذهب تذهب هكذا مفهوم ça on le verra quand on voudra donner un ordre à une personne non présente on utilisera un autre outil مفهوم mais الامر l'impératif la personne elle est face à toi مفهوم attention regardez bien ce que je dis الامر pour l'utiliser la personne il faut qu'elle soit face à toi mais donner un ordre on le verra on pourra le donner à une personne qui n'est non présente vous avez compris la différence là ou non hein c'est-à-dire l'autre temps ce sera quoi ce sera pas du amr en lui-même de l'impératif مفهوم ce sera peut-être مجزوم باللام الامر hein par exemple Mohamed il arrive il me dit الولد على الباب ماذا اقول له فليدخل مفهوم هكذا vous avez compris là il est non présent هكذا طيب mais sinon si tu veux utiliser l'impératif qui est l'amr il faut que les personnes soient face à toi انت تذهب انتم تذهبون انت تذهبي انتن تذهبن طيب il nous manque une personne c'est quoi le duel طيب انتما تذهبا طيب si vous voulez le mettre بارك الله فيكم طيب tout le monde a compris inchallah et le verbe devant vous il est مجزوم طيب علامة الجزم ici c'est quoi dans l'asl on avait dit quoi السكون يا إخوان اذهبوا علامة الجزم ici الحذف النون allez celui qui a compris ça maintenant c'est bien sinon à la fin du 2 inchallah il y aura un tableau spécialement que de ça طيب أمينة اذهبي c'est la même chose on a supprimé quoi le نون sinon à la base on disait quoi أمينة أنت تذهبين واليا فاعل ويا أخوات اذهبنا ici il est مبني hein ça veut dire il ne bougera pas c'est-à-dire s'il ne bouge pas comment on va le reconnaître ah Sami non s'il ne bouge pas ouais, par exemple moi je vois des heures je dis أنتنا تذهبنا t'entends non hein أنتنا تذهبنا الآن et je dis à des sœurs أنتنا اذهبنا les deux ont la même terminaison comment on sait que ça c'est du amr et ça c'est du مضارع là par exemple c'est parce qu'on est obligé de rajouter ce qu'il y a avant on est obligé de rajouter أنتي ou أنتنا non أنتنا dans les deux j'ai dit أنتنا أنتنا ouais les deux je répète non, tu vas trouver inchallah concentre-toi